J'attendais mes envies qu'ils viennent me chercher. Je voulais tant que mes lendemains soient meilleurs que mon passé. J'ai subi tant de choses que ça m'a presque tué. Il faudrait qu'en moi tu t'excuses, occulter ceux qui m'ont blessé. Qui me font vraiment souffrir. Tu sais, j'en ai eu ma dose. J'aimerais tellement guérir de mes blessures. Fais-en quelque chose ou laissez-moi en.